C'est on a eu des reportages tout au long de la fin de semaine avec le tournoi Bantam. Mais là, il y a un autre tournoi qui débute, c'est le tournoi Atom Pee-Wee. Et ce qu'on a su, c'est que sur les trois glaces et trois plateaux, il y a beaucoup d'équipes, même de l'extérieur. On parle avec un des membres du conseil d'administration du tournoi, c'est Joël Tremblay. Bon après-midi, Joël. Joël, d'abord, oui, effectivement, il y a combien d'équipes cette année? C'est la 49e édition, il y a combien d'équipes? OK. Et monsieur, c'est pas mal de... On parle vraiment d'un tournoi qui est très, très, très, très en vogue. OK. Qu'est-ce qui fait que vous avez été capable d'avoir 38 équipes? Parce que c'est vraiment l'hospitalité des gens du Lac-Saint-Jean. Il y a eu un gros travail de recrutement. C'est quoi ça, en fait? Moi, je pense que c'est... Moi, je suis bénévole depuis quelques années. Puis je pense que c'est la réputation. Du tournoi qui a fait en sorte que les gens veulent revenir année après année. OK. Et ça vient de où, ces 38 équipes-là? Et on a 38 équipes un petit peu partout dans la région. OK. On a également Charlevoix, Québec. Oh! OK. Puis Chibougamo, aussi. OK. Et Latuc. Donc, on couvre quand même un bon territoire. Donc, pas mal d'équipes, puis c'est pas mal de fun aussi, là. Donc, c'est commencé hier, c'est Frédéric Dallin qui est le président, conseil d'administration également. Est-ce que c'est une nouvelle gang cette année, ou bien c'est pas mal tout un peu comme l'image du tournoi Bantam, c'est une équipe rodée qui est à l'heure? Oui, c'est une équipe qui est quand même assez expérimentée. C'est des gens qui, année après année, on revient parce qu'on a le goût, de donner aux jeunes, on a le goût de... vraiment de voir le sourire des enfants. C'est ça notre okay. cheval de bataille. OK. C'est sous la présidence d'honneur. Est-ce que vous avez un président d'honneur? Oui, notre président d'honneur est M. Arcan cette année, de Provigo. OK, Jean-Sébastien Arcan encore, très impliqué dans le tournoi. Donc, on va y aller avec des résultats. Oui. Les premiers matchs hier, c'est ça? Exactement. On a eu les sénateurs de Saint-Félicien qui ont affronté les Sables de Robertval et ce fut un match nul de 2-2. OK. Et par la suite, on a eu le match de Pee-Wee B des sénateurs de Saint-Félicien contre les Éperviers de Normandin qui s'est terminé par un résultat de 10-0. 10-0, aïe, aïe. Et monsieur. Oui, 10-0 pour les Éperviers. Puis ce soir, combien il y a de parties? Ce soir, trois parties. Okay. Ce soir, à 16h45, les Bulldogs de Saint-Félicien vont affronter les Sables de Robertval dans l'atome A. Okay. Ensuite, à 17h50, dans l'atome A aussi, les Aiglons d'Alma contre les Éperviers de Normandin. Et on va terminer la soirée avec le Pee-Wee 2B, le Janois d'Alma contre les Rapides du Lac-Saint-Jean. OK. Et on rappelle évidemment le prix d'entrée qui est de... Le prix d'entrée est de 5$ par jour ou 12$ pour le tournoi. OK. Et on rappelle aussi que c'est sous la présidence d'honneur de Jean-Sébastien Arcand de Provigo secteur Mistassini. Et j'imagine qu'il y a d'autres commanditaires également qui rendent possible le tournoi. Oui, vraiment, on a une panoplie de commanditaires et qui fait en sorte qu'on peut faire un tournoi aussi prestigieux. Je peux vous en nommer quelques-uns? Oui, il n'y a pas de problème. Oui. C'est ça, évidemment, Provigo, avec M. Ben Jean-Sébastien oui. Arcand, le centre I-5, Sport Expert, les Jardins du Saguenay, Motel Chute des Pères, Desjardins, Cinéma Chaplin, Canadian Tower, Garma, Dépanneur Sagami, Pierrette, Des Coureurs des Bois, Le Bar Laitier, le Palais Glacé, Mallette, Intelligence Hypothécaire, Auberge de la Diligence, La Maison Gourmande, et j'en passe. Et qui rend évidemment possible le tournoi. Et c'est très important. Exactement. Également. Joël, est-ce que c'est toi qu'on va reparler demain ou ça va être quelqu'un d'autre pour les résultats? Moi, demain, au courant de la soirée, je vais être ici, c'est certain. Moi, regarde, c'est setupé, nous, la gang de bénévoles, pour demain soir et vendredi toute la journée, ainsi que samedi et dimanche. OK. Fait que, j'ose espérer que ça va être moins. OK. Ben Joël Tremblay, le responsable du tournoi, un des responsables du tournoi Atom Pee-Wee, oui, c'est la 49e édition.